Chapitre 300. L'interdiction de laisser un feu allumé à la maison avant d'aller dormir, qu'il s'agisse de celui d'une lampe ou de tout autre feu. 1652. Selon Ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Éteignez le feu dans vos maisons lorsque vous allez dormir. » Al-Bukhari et Muslim. 1653. D'après Abu Musa al-Ash'ari, un incendie se déclara une nuit dans l'une des maisons de Médine qui brûla avec ses occupants. Informé du drame, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam déclara « Le feu est votre ennemi, éteignez-le avant d'aller dormir. » Al-Bukhari et Muslim. 1654. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « Couvrez vos récipients, bouchez vos outres. » Fermez les portes et éteignez les lampes. En effet, Satan ne débouche pas les outres, n'ouvre pas les portes et ne découvre pas les récipients. Si l'un d'entre vous ne trouve pour couvrir son récipient qu'un morceau de bois, qu'il le mette en travers par-dessus et qu'il prononce le nom d'Allah. Et sachez qu'une souris peut brûler une maison avec ses occupants à l'intérieur. Muslim.